Et bonjour Charline. Salut Tony, comment ça va avec ce retour du soleil? Alors, on a eu un beau temps au début. Aujourd'hui, j'ai un ciel gris dégueulasse. Je suis Ah, dégoûtée. ben je vais t'envoyer le ciel bleu et le soleil de Vierzon du coup. Et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Merci d'écouter ce nouvel épisode de En attendant le bûcher. Vous attendez avec nous, mais vous êtes en bonne compagnie. La semaine dernière, on a parlé, et je vais faire comme d'habitude, je vais avoir un gros trou de mémoire. Nous avons parlé de l'hôtel. Un petit message de Cynthia qui nous disait qu'elle utilise beaucoup les cartes, mais qu'elle sent qu'elle a encore plein de choses à découvrir. Et donc, moi, ce que je lui ai répondu, et ce que je voulais dire un peu à tout le monde, c'est que toi qui écoutes, bah, tu es sur un chemin qui va vers l'avant et tu as tellement de possibilités, de choses que tu vas découvrir. Profite de tout ça parce que ce moment de découverte des outils, des premières manipulations, des premières réponses, c'est un très beau moment, je trouve. Oui, là, c'est vraiment quand on a connecté un premier outil et qu'on sent en plus l'appel qu'il y a autre chose à découvrir, on commence un chemin sur lequel ça fait du bien aussi de prendre le temps de s'y promener, hein, c'est pas forcément à découvrir dans la précipitation. Savourer les premiers contacts avec chaque nouvel outil, chaque nouvelle énergie ressentie, chaque nouvel élément auquel vous connectez. Prenez ce temps-là vraiment comme une promenade sur le chemin de la magie et de votre magie. Ce sont des chouettes moments. Donc on parle outil, on parle outil. Et aujourd'hui, on a décidé justement de vous parler d'un outil, le pendule. Tout à fait. Aujourd'hui, on commence par le pendule. C'est pas forcément l'outil ni le plus simple ni le plus compliqué. Il va vous permettre. Je pense que c'est celui quand même qui oblige à beaucoup de connexion à ses ressentis. Le pendule, je trouve qu'il a deux utilisations qui sont parallèles, mais pas forcément identiques. Je trouve qu'il y a un pendule, on va dire, plus de divination et un pendule plus de guérison. On peut utiliser le même, c'est pas la question, mais juste dans la pratique, je trouve qu'il y a un peu ces deux aspects qui peuvent être un peu séparés. Et en plus, ce qui est assez amusant, c'est que je constate en même temps qu'on le dit que donc, moi, pour vous qui nous écoutez, j'ai deux pendules. Et je crois que je les utilise chacun sur une fonction, maintenant que j'y prête attention. J'allais dire ça, je sais qu'il y a quand même des gens qui ont deux pendules et qui ont utilisé un pour plus la divination et l'autre plus pour la guérison. Et bah, je voulais ton retour, parce que tu es vraiment quelqu'un, entre nous deux, tu es celle qui utilise beaucoup plus le pendule. Et puis, bah aussi, je l'utilise plus parce que deux pendules et que deux fonctions, hein, maintenant que j'ai l'œil mental dessus. Donc, le premier pendule, c'est celui dont on a déjà un petit peu parlé avec vous, que j'ai eu il y a plusieurs années grâce à l'intervention de Tony. Alors, lui, il est en pierre naturelle, il est en onyx noir et c'est celui qui me sert davantage à la divination. Parce que c'est aussi comme ça que je l'ai utilisé dès le début. Et le deuxième pendule que j'ai, il a été un peu plus réfléchi, justement pour un usage guérison, soins énergétiques. Donc celui-là, il est en améthyste. La pierre principale est en améthyste. Et il y a sept pierres sur la chaînette associées à chacun des chakras. Moi, j'avoue, je l'utilise pas spécialement en guérison, mais parce que moi, déjà, je fais pas beaucoup de soins. Je vais le faire à mes proches et tout, mais j'ai pas ça, cette activité que toi, tu as. Donc, j'ai plus tendance à l'utiliser, oui, en utilisation, on va dire, divinatoire. La notion de divination, j'ai toujours un peu peur comment elle peut être reçue chez les gens. Ouais. Et de manière générale, que ce soit oracle, que ce soit pendule, j'essaye toujours de dire que la divination, c'est pas la prédiction du futur. C'est être capable de capter, on va dire, ce qu'il y a dans l'air ambiant. C'est ça, c'est la même distinction que ce soit pour le pendule ou les cartes. Il y a une différence entre utiliser un outil vibratoire pour essayer de poser des mots, des réponses à quelque chose qui existe à l'instant T, à l'intérieur de vous. Et c'est totalement différent que de vouloir vous prédire un avenir immuable sur lequel vous n'auriez aucun pouvoir, auquel vous seriez quelque part condamné. On parle de pendule, donc on parle de radiesthésie, c'est un peu le terme qu'on Oui. utilise souvent, et c'est cette notion que tout est sensible à des énergies, à des vibrations. Oui, c'est vraiment l'idée de tout est énergie. Donc, partez du principe que bah, même la réponse à une de vos questions, elle répond à une vibration. Votre question a déjà une réponse dans les énergies, pas parce qu'elle sort de nulle part, mais simplement parce que vibratoirement, c'est peut-être difficile pour vous d'aller à la rencontre de cette réponse qui existe à l'intérieur de vous et que le pendule devient un outil visuel pour vous montrer si ça vibre sur oui ou ça vibre sur non. C'est ce que tu disais dans l'un des épisodes précédents, tous les outils, on peut s'en passer. Ce sont vraiment que des outils qui vont vous permettre de mieux capter, d'amplifier, de palper plus ce que vous émettez, ce qui est émis dans l'univers. Le pendule, ce qu'on disait, il ne va pas lire l'avenir, mais il va amplifier les énergies que vous captez. C'est un prolongement de vous. Le pendule va faire le lien entre ce qu'il y a dans l'énergie ambiante et aussi entre vous, et va le manifester d'un aspect visuel. Vous recevez les vibrations, ces vibrations portent les réponses que vous cherchez. C'est juste que parfois, c'est un peu compliqué d'être totalement connecté à son ressenti, parce qu'il peut y avoir l'émotionnel en jeu, parce qu'il peut y avoir le mental qui décide de vouloir quelque chose alors que ce n'est pas forcément aligné à ce que vous avez vraiment besoin. Et votre pendule, parce qu'il est un amplificateur, vous donne une réponse visuelle plutôt que sensorielle. Donc, si vous êtes dans un état émotionnel, en tout cas fort, la réponse va être probablement biaisée. Donc, l'un des premiers exercices à faire avec, de manière à la spiritualité, c'est réussir à retrouver le calme, l'ancrage, l'apaisement pour pouvoir exercer en toute justesse. Je rajouterais une petite chose à ça, c'est cette notion de lucidité quand on pratique. Notamment quand on pratique pour soi, hein, parce que c'est là qu'on peut être le plus parasité par nos biais. De temps en temps, il faut avoir aussi la lucidité de se dire qu'on ne peut pas obtenir nos propres réponses pour nous-mêmes. Tu as dit que quand tu te préparais, tu as parlé de bulle. Oui, et cette notion de bulle, moi, c'est l'idée que parce que je suis très sensible aux énergies qui m'entourent aussi, c'est cette bulle dans laquelle je ramène le neutre parce que tout ce qui nous entoure émet des vibrations et je visualise, je mentalise que rien ne rentre interférer depuis l'extérieur. La notion de protection dans l'utilisation du pendule ne me parle pas du tout parce que je considère que le pendule est une extension de moi-même. Donc je vois pas d'où viendrait le problème. Compte tenu du fait que je viens questionner des vibrations que de toute manière je capte déjà avec tout mon corps. Donc soit il faut se protéger tout court tout le temps, soit pas plus parce que je vais utiliser mon pendule. Toi, ce serait plus une bulle un peu comme un filtre, quelque chose qui va filtrer les énergies extérieures pour pas qu'elles interfèrent avec les tiennes. Voilà, c'est exactement ça. Ça filtre ou en tout cas ça ralentit ce qui arriverait de l'extérieur vers moi. On va parler justement pour un peu préparer son pendule les premières fois qu'on l'utilise. Moi, j'ai un pendule en olite, donc c'est une pierre qui est entre le blanc et avec des veinures grises, grises-noires. Et donc, c'est une pierre qui, elle, va à l'eau. Donc, purification à l'eau claire, très, très simple pour moi. Pour d'autres pierres, ça ne va pas être le cas. Et pour certains pendules, comme les pendules en métal ou en bois, on ne peut pas les foutre dans l'eau. Parce que ça va soit oxyder, soit le bois va gonfler, donc on va éviter de les mettre dans l'eau. Donc il y a plusieurs choses qui sont possibles. Je sais qu'il y a par exemple, vous pouvez le poser sur du gros sel, pas en direct, parce que ça peut quand même oxyder. Donc vous allez mettre un petit tissu, un petit sopalin, quelque chose comme ça, et vous allez poser votre pierre dessus. Comme ça, ça captera, ça videra les énergies qui peuvent être dedans. Ou tout simplement à l'encens, au romarin, à la sauge, ce que vous voulez, pour purifier. Et après, vous allez recharger en fonction de la pierre, rechargement au soleil ou à la lune, ou sur une fleur de vie. Très bien aussi. Moi, par habitude, et parce que je l'ai fait avec mes deux pendules, et que parfois, c'est ce que je suggère comme possibilité aux gens, avant d'avoir pratiqué, donc bien sûr, la première étape, purification, ça, il n'y a vraiment pas de débat pour moi. Je fais ça avec tous mes outils, voilà, même les oracles, quand je les achète, il y a une étape de purification. Évidemment, je ne les passe pas à l'eau. Mais le pendule, ma petite recommandation, c'est aussi, une fois qu'il est purifié et avant de songer à pratiquer avec, de le porter avec vous dans votre quotidien, de l'avoir au contact de vos énergies. Parce que déjà, ça fait ce lien entre l'outil et vous. Les techniques que tu as données sont toutes très bonnes. Et vous pouvez, en plus ou à la place, en fonction de ce qui vous parle, recharger votre outil avec vos propres énergies. Pour qu'un pendule puisse vous donner une réponse oui-non, ça sous-entend plusieurs choses. Ça sous-entend que vous avez établi ce qu'on appelle la convention avec votre pendule. La convention, c'est ni plus ni moins que votre mode de communication. Quand je vais demander un oui, quel sera le mouvement de mon pendule pour formuler ce oui? Quand je vais demander une question et qu'il va me répondre non, quel est le mouvement qui correspond à ce non? Sur les conventions, ce que je vois souvent, c'est que, par exemple, ça va être le oui en sens horaire ou le non en sens anti-horaire ou l'inverse, en fonction des gens. Est-ce que toi, tu observes ce schéma-là ou pas? Alors non, moi, ma convention n'est pas celle-là et elle va me permettre de rajouter un autre point que je crois bien qu'on a en commun. Vous entendez toujours parler de la convention oui-non. Je recommande toujours en atelier pendule parce que j'initie les gens quand ils ont besoin. Mais même, voilà, n'omettez pas de demander à votre pendule s'il n'aurait pas un je ne sais pas ou un peut-être. Parce qu'à tout moment, vous avez demandé un oui-non. Vous allez poser votre première question, il va faire ni oui ni non, mais autre chose. Et alors là, panique à bord, mon pendule, il déconne, il fait n'importe quoi, ça ne marche pas. Si, si, mais vous avez peut-être... Vous avez peut-être omis de fouiller un peu plus dans la convention. Un pendule peut vous formuler un je ne sais pas. Il peut vous formuler un peut-être. Ça peut être même ces deux réponses distinctement. Donc, pour répondre à ta question, ma convention pendule, mon oui, c'est le pendule qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le non, c'est un pendule qui balaye en diagonale, disons de en haut à gauche à en bas à droite. Alors, sachant que le en bas à droite, c'est en fait le point vers vous, hein, et en haut, c'est éloigné de vous. Quand il ne sait pas, alors j'ai pas de peut-être, c'est soit il répond, soit il répond pas, c'est oui, non, ou répond pas. Et s'il ne répond pas, bah, il s'arrête net. Pareil que toi, ma convention, c'est un oui, ça tourne. Un non, ça fait un trait, on va dire, on oui, va c'est faire ça. Simple. Et après, le je ne sais pas ou je ne veux pas répondre, parce que des fois je me dis, c'est peut-être je ne veux pas répondre. Oui, moi j'essaye. On connaît ma façon de faire les choses avec les cartes et tout, ça peut être des petites. Ça peut être très violent. Donc, je ne veux pas répondre, je ne sais pas ou peut-être, ça, il s'arrête net. Je suis comme toi. Mais la question, formulez-la bien. Faites très attention à votre formulation. N'utilisez encore, je le dis, jamais de formulation négative. Ça embrouille. Une formulation simple, claire, nette, la plus fermée possible, la plus sécurisée. Il y avait l'exemple de dire, moi j'ai deux sœurs par exemple. Si je demande à mon pendule pour tester est-ce que j'ai une sœur, oui, j'en ai une. Il va me dire probablement oui, parce que j'en ai de facto, j'en ai au moins une. Donc faites attention à votre formulation, elle peut être un peu piégeuse, notamment parce que ça passe par un double biais. Votre formulation dans votre tête, comment vous la voyez et comment votre corps va réagir et comment les énergies vont réagir. Il y a une double lecture qui peut, à ce moment-là, être un peu plus éloignée de la réponse que vous devriez avoir. L'expérience, c'est la clé de tout. C'est exactement ce que j'allais dire. Pour le pendule, plus encore que n'importe quel outil, vous allez améliorer vos réponses en améliorant le comment vous posez votre question. Et ça, c'est vraiment en pratiquant. Et pour revenir sur ce qu'on a dit sur un précédent podcast, en pratiquant et en notant tout dans un carnet. Pourquoi ? Parce qu'à l'instant T, par défaut, la réponse obtenue est la bonne. Il n'y a pas trop moyen d'en douter. Sauf que si c'est une réponse avec une petite prédiction à quelques semaines ou autre, et que factuellement dans la vie, c'est pas ce qui se passe, plutôt que de vous dire « mon pendule ne marche pas, j'obtiens pas de bonnes réponses », c'est « comment j'avais posé ma question ?» Et compte tenu de, une fois que j'ai traversé dans la matière la situation, comment mon pendule a pu donner cette réponse alors que c'est l'inverse qui s'est produit. Donc il n'y a pas de secret, plus vous allez noter vos questions au mot près avec la réponse obtenue, plus vous pourrez, en revenant dessus, voir où était la brèche, la fameuse. Vraiment, le fond du travail, c'est apprendre à bien poser une question. Et l'exemple que tu donnais sur j'ai deux sœurs, si je demande si j'ai une sœur, il va répondre oui. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est la première source d'embûche sur les questions, sur le travail que vous faites avec les planches, les fameuses planches. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses sur cette planche. Donc pour être sûr déjà de ne pas avoir limité la réponse à votre pendule, c'est combien de réponses me correspondent sur cette planche. Et là, vous déroulez mentalement ou à voix haute, les chiffres. 1, 2, 3, 4. et vous attendez le oui. Par défaut, si vous êtes sûr qu'il y a une réponse pour vous dessus, assurez-vous qu'il n'y en a pas qu'une pour pouvoir tout aller les demander. Comment choisir son pendule ? Ça, c'est une énorme question. Fiez-vous à votre ressenti. Pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que vous verrez probablement sur Internet, et même pas que, hein, comme conseil de, pour les débutants, prendre plutôt un pendule en métal ou prendre plutôt un pendule en bois. En gros, on va vous conseiller de prendre un pendule qui est récepteur. Si, quand vous allez à la découverte du pendule, vous flashez sur un pendule en pierre dont on vous dit sur le papier que la forme ou la pierre ou autre, c'est fait pour des praticiens avancés, bah on s'en fiche, prenez-le. Je suis assez d'accord avec toi. Mon conseil sera toujours d'aller sur place. Éviter de commander sur Amazon, merci, pour plusieurs raisons. Mais le mieux, c'est quand même quand vous voulez utiliser un outil. Les tarots, les cartes et les oracles, c'est un peu différent parce que ce sera sur les illustrations. Ce sera plus peut-être la prise en main qui sera pas mal à voir en vrai. Mais bon, sur le pendule, typiquement, allez dans une boutique ou plusieurs, n'hésitez pas. Regardez les pendules quand vous êtes face à eux. Est-ce qu'ils vous appellent ? Ne prenez pas un pendule par défaut. C'est-à-dire, si vous allez dans une boutique où il n'y a pas beaucoup de choix, n'en prenez pas si ça ne vous parle pas. Un pendule qui vibre fort avec vous, au sens le plus propre du terme, va vibrer sur son portant quand vous allez être face à lui. Il va rentrer en vibration avec vous. On vous l'a dit, hein, c'est un amplificateur. Donc, le pendule qui vibre avec moi va rentrer en résonance avec mes énergies. Donc, si je suis en face de lui, il va bouger, il va vibrer, il va faire quelque chose. On ne se contente pas du hockey tiers dans nos vies. On veut le meilleur pour nous. L'outil parfait, c'est celui où vous le voyez, il y a un waouh qui vous sort du fond du cœur, du fond des tripes. Vous n'avez pas le temps de réfléchir que vous savez, en fait. Quand j'ai pris mon pendule, donc j'hésitais entre deux. Les deux étaient en holite. C'est une pierre qui me parle beaucoup. Donc les deux étaient en holite. Et il y avait celui que j'ai pris, c'est celui qui avait un petit défaut par rapport à l'autre. Mais pourtant, je l'ai pris, je l'ai testé. Le oui, non, la convention, on l'a fait en boutique. Oui. C'est-à-dire, donne-moi un oui, donne-moi un non. Et j'ai posé une troisième question. Et la troisième question m'a donné le « je ne te répondrai pas ». C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure. Et c'est vraiment ça qui m'a convaincu. C'est que le deuxième, je l'ai testé, il m'a donné le oui, il m'a donné le non. Et il m'a donné un peut-être un peu plus souple. Il y avait un mouvement. Et j'ai fait « bah non, en fait, l'autre m'a répondu parfaitement ». Et c'est aussi pour ça que je dis par exemple pas sur Amazon. Parce que les deux pierres, s'ils étaient sur Amazon, les deux, c'est de la holite, ils ont la même tête. Mais pourtant, quand je suis allé dans boutique, j'ai vraiment senti la différence entre les deux. Être en présentiel, c'est ce qui vous permet de trouver pas uniquement l'outil qui vous plaît, mais celui qui vous plaît, celui qui vous ressemble. Les outils de Tony, il n'y a pas d'ambiance timorée possible. Il y a oui, non, et il y a une forme de radicalité dans si je ne suis pas censée avoir la réponse et que je dois me débrouiller autrement, je veux que mon outil soit capable de me le dire. Comment on mesure de manière générale son taux vibratoire ? En tout cas, comment toi tu le mesures ? Et je dirais après aussi moi, comment je le mesure, le taux vibratoire ? Alors au tout début, quand je faisais les mesures, réellement j'utilisais le biomètre de Bovis, donc cette planche graduée. Et donc là, on positionne notre pendule, on le lance, on ne le lance pas à l'avance, et puis on lui laisse nous montrer. Là, il fait une mesure, hein, il va se diriger sur une graduation qui a une mesure. Avec le temps, aussi parce que la pratique permet ça, j'ai appris à décoder comment réagit mon pendule face à l'énergie, notamment en soins. Hein. Je commence mes séances énergétiques par un test pendule de l'énergie de la personne et puis après de l'équilibre de chaque chakra. La manière dont tourne le pendule est une vraie info. Alors bien sûr, c'est pas chiffré, mais j'ai pas besoin que ce soit chiffré pour savoir si une énergie elle est de bonne qualité ou pas, en bonne quantité ou pas. J'ai besoin d'une info visuelle. Et donc le pendule, entre l'amplitude de rotation, la vitesse de rotation et la tension que j'ai dans la chaîne, j'ai toutes les infos qu'il me faut pour savoir si l'énergie elle circule vite, trop ralenti, si elle est en trop petite quantité. Si elle a fini par avoir des vibrations fortement abaissées, moi, la manière dont va tourner le pendule, j'ai toutes ces informations-là avant même d'avoir commencé la séance. Je vais avoir tendance à le diviser en trois aspects pour avoir une sorte de check-up global, mais de trois axes différents chez la personne. Un aspect physique pour voir comment le corps fonctionne, un aspect, on va dire, entre l'énergétique et le mental, qui me donnera une notion plus de comment ça se passe là-haut. Et je vais faire un troisième pour voir ton énergie un peu plus spirituelle quand j'en ai envie en vrai. Je te rejoins sur le découpage en trois parties, vraiment corps physique, un plan mental, émotionnel, voilà, déjà un peu plus invisible en termes Oui. d'état, et vraiment spirituel, vraiment Plus ton voilà, âme, en termes ouais. de connexion là, à l'âme et à tout ce monde magique. C'est une info que j'ai en filigrane au fil des chakras, c'est-à-dire que la manière dont fonctionne l'ensemble des sept chakras me donne aussi une idée de là où la personne elle est au mieux ou au moins bien. Question qui va avec ça, du coup, est-ce que tu peux te le faire à toi-même? Parce que pour viser justement tes chakras, est-ce que tu as besoin d'un œil un peu extérieur? Est-ce que tu le fais directement sur ton corps? Ou est-ce que tu utilises par exemple une planche pour justement te tester sur toi-même? Et je pose cette question parce que je me dis que pour les gens, ça pourrait être pas mal d'être un petit exercice à faire. Au tout début, j'avais très clairement besoin d'un support hein, pour moi-même. Vous trouverez moult de ce que je vais vous dire sur Google. J'ai imprimé sur une feuille A4 une image d'un corps sur lequel sont matérialisés les sept chakras en couleur. Et du coup, je prenais cette feuille A4 posée sur la table et je mettais mon pendule au-dessus de chacun pour tester pour moi. Maintenant, j'ai plus besoin de ce support-là. Je tiens le pendule d'une main avec la chaîne entre deux doigts. Je le pointe au-dessus de ma deuxième main. Je questionne pour chaque chakra. Alors moi, ma question, c'est mon chakra racine est-il à l'équilibre? Oui, non. Et je les balaye tous. Et puis sur un non, je peux aller fouiller plus en détail la cause déséquilibrée, quoi, trop, pas assez, bloqué. Ça fait combien de temps que tu pratiques le pendule, toi, du Ben, je coup? me souviens plus trop. Ça doit. Ouais, ben, je pense que j'ai acheté le premier en 2018, sans doute quelque chose comme ça. Et le deuxième, je l'ai acheté aussi quand j'ai commencé les soins énergétiques. Donc, on se rapproche peut-être de 2020 quand j'ai eu le deuxième. Ouais, donc ça fait quand même pas mal d'années, ouais. Donc c'est pour ça, n'oubliez pas les gens, hein, vous n'aurez pas forcément ça tout de suite, c'est normal. La Charline, elle a de la pratique, c'est son taf. Donc oui, ça devient quelque chose de plus instinctif, de plus rapide. Hein. C'est comme quand on apprend à conduire. Au début, on a du mal, et puis à la fin, on fait les choses sans s'en rendre compte. Complètement. Au début, sans planche, je faisais rien. Hein. C'est aussi simple que ça. Et puis, même avec planche, bah, je faisais mal parce que je cadrais mal les questions. Donc, je me rendais compte après coup qu'il manquait la moitié des réponses parce que je ne m'étais pas demandé s'il y en avait qu'une à avoir. Comme c'est mon métier, c'est routinier, c'est plusieurs fois par jour. Donc, bah, oui, j'ai plus besoin de planche, mais parce que à force d'être connecté à cet usage-là est devenu totalement fluide et intuitif, quoi. Tu fais la séance et on va parler maintenant de la clôture de la séance. Que fais-tu de ton pendule après justement une pratique? Est-ce que tu as une pratique qui va différer si tu as un deuxième soin derrière ou est-ce que c'est à peu près toujours la même chose? Je ne sais pas si c'est un petit tic, un petit toc, mais je sais que c'est efficace. J'utilise mon souffle. Je le tiens par l'extrémité de la chaîne et je vais souffler dessus du haut vers le bas avec un mouvement de main qui attrape les énergies que je souffle. Voilà, je les souffle dans ma main parce que bon, j'ai pris l'habitude quand même de récupérer tout ce que je ne veux pas jeter n'importe où et de maîtriser ça. Et entre deux soins. Alors, s'il y a eu quelque chose de lourd, ou pour une raison ou une autre, je me dis que l'outil est quand même plus encombré qu'il suffit de souffler dessus, je reprends la purification comme on vous l'a décrite quand on achète un pendule, et je dépose mon pendule sur le fameux support que j'ai sur mon autel avec la fleur de vie gravée dessus. N'hésitez pas à écouter l'épisode précédent pour avoir toutes les informations sur cet hôtel et sur cette fleur de vie. J'avoue, une fois que c'est fini, comme je fais pas spécialement de soins, je chope pas trop les énergies des gens sur mon pendule. Donc j'ai plus tendance, pareil, à le mettre un peu sur mon hôtel, à côté de, bah, pour le coup, à côté de ma labradorite et de mon obsidienne. En tout cas, on espère que ce podcast sur le pendule vous aura donné envie, en tout cas, d'utiliser un pendule. C'est un outil qui est assez formidable, malgré tout. Moi, c'est pas celui que j'utilise le plus souvent, mais il est tellement visuel, il est tellement. Et c'est instinctif aussi, le pendule, donc c'est un très bel outil. Donc j'espère que ça vous donnera envie. C'est une introduction au pendule, mais le pendule peut faire tellement de choses, c'est un outil très complet. Charline, tu fais des formations justement pour l'utilisation du pendule. Pour les gens qui veulent l'utiliser un peu plus, poser des questions, avoir plus de réponses? Oui, je fais des... Donc, j'ai appelé ça des ateliers d'initiation au pendule. C'est un atelier de 2 heures qui est disponible en individuel précisément pour ce que tu dis, sachant que bah, c'est aussi le début de la pratique. Donc, à partir du moment où vous avez fait cet atelier avec moi, je reste disponible ad vitam aeternam hein, pour les questions qui surviennent en pratiquant. Et comme toi, j'espère que ce podcast va vous donner envie. En pratiquant, vous découvrirez que vous êtes capable. Et puis, s'il vous manque après des connaissances ou un cadre théorique, vous pouvez en trouver chez moi comme partout ailleurs. Hein, vous ne manquerez pas d'infos pour savoir comment pratiquer. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter justement si vous avez déjà un pendule, de nous dire comment vous l'utilisez, si vous avez une convention qui est différente de la nôtre, parce qu'à mon avis, ça peut être pas mal. On doit avoir toutes des conventions un peu cheloues. Si vous voulez nous partager des photos de vos petits pendules, c'est avec plaisir, on adore. Adore voir ça aussi. Donc, lâchez-vous dans les commentaires et les partages. Ce sera avec grand plaisir pour nous. Et n'hésitez pas à vous abonner si possible. Ça vous fait, c'est pas mal pour nous. Ça nous permet de faire travailler l'algorithme. En vrai, ça vous allez rien perdre. Juste, vous allez avoir l'alerte tous les dimanches matin comme quoi il y a un nouvel épisode. Et ça, c'est cool. En tout cas, merci. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram. Pour ceux qui ne nous connaissent pas d'Instagram, je suis Tony Grimoire. Et moi, je suis Les Énergies de Charline. Bonne semaine à vous. Bon dimanche à vous. Et puis, à la semaine prochaine. À bientôt, bye!